ni Bel, ni Vigira. C'est Séraphine Hakidimana qui tient les manettes. Bonjour et merci de garder l'écoute de nos programmes. Bienvenue à cette édition de la mi-journée à langue française dont voici tout d'abord les grandes articulations. La guerre n'est jamais solution au conflit du pays. C'est l'idée partagée ce vendredi par l'ambassade de la France au Burundi. Et le gouvernement burundais, c'était au cours de la commémoration de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Vous aurez les détails tout de suite. Une méthode appelée chirurgie mini-invasive sera très prochainement mise en place au Burundi. Le docteur Sylvain Niyonguru précise que la méthode constitue une grande importance, d'autant plus que les malades guérissent vite. Et l'accusation mutuelle de sorcellerie en province de Cibitoke parmi les facteurs à l'origine des tueries qui s'observent actuellement dans cette province, c'est ce qui a été dit par le gouverneur de cette province dans une réunion de sécurité tenue ce jeudi. Et comme à l'accoutumée, tous les vendredis, vous avez droit à la chronique environnement. Aujourd'hui, on va vous parler de la problématique liée à l'effondrement des ravins à mairie de Bujumbura. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Rebonjour, page média pour débuter ce journal. La durée de 6 mois de suspension temporaire des missions sur le territoire burundais des médias BBC et Voix d'Amérique a pris fin ce mercredi 7 novembre. Ces médias étrangers ont été suspendus temporairement par le Conseil national de la communication avec comme accusation le non-respect de la loi sur la presse. La mesure a commencé à être appliquée le 7 mai de cette année. Jusqu'ici, ces deux médias n'ont pas encore eu l'autorisation de reprendre leurs activités. Le Conseil national de la communication ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Ouverture de l'année académique 2018-2019 à l'Institut supérieur des cadres militaires ce vendredi. Au cours des cérémonies rehaussées par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, le commandant de l'ISCAM a indiqué que cet institut fait face à de multiples défis qui l'empêchent d'optimiser ses résultats. Parmi ces défis, le colonel Gaspard Baratouza a cité le manque de transport pour les officiers encadreurs, le manque de réseau Internet à haut débit et un parc informatique vétuste. Depuis sa création, l'ISCAM a déjà formé plus de 1900 lauréats pendant 43 ans d'existence. Et je vous l'avais dit en titre, le gouvernement burundais et l'ambassade française au Burundi partagent l'idée que la guerre n'est jamais la solution au conflit. C'est ce qui a été dit ce vendredi lors de la commémoration de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Cérémonie organisée par l'ambassade de la France au Burundi, Laurent Delahousse, ambassadeur français au Burundi, appelle Burundi à privilégier le dialogue pendant les différends et encore et renoncer à la violence. Bernard Nairaja, assistant du ministre des Relations extérieures, fait savoir que le Burundi s'engage à la paix et à la sécurité. Richard Kubgarugir. C'est la Marseillaise et Burundi Gachu, hymne national respectif de la France et du Burundi, lors de la commémoration ce vendredi de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918, cérémonie organisée par l'ambassade de France au Burundi. L'ambassadeur de la France au Burundi, Laurent Delahousse, dit avoir tiré beaucoup de leçons de cette guerre mondiale. Il dit que la guerre n'est jamais solution des problèmes. Et pour le cas du Burundi, l'ambassadeur Delahousse appelle les hommes politiques actifs au dialogue et renoncer à la violence. Les leçons tirées de la Première Guerre mondiale, c'est que la guerre est toujours la plus mauvaise solution aux divergences entre les hommes et entre les pays. Ce qu'a montré la Première Guerre mondiale, ce sont des dizaines de millions de morts, ce sont des dévastations incroyables, ce sont des souffrances épouvantables. Et tout ceci pourquoi ? Pour rien. Je crois que pour le cas du Burundi, il faut avant tout rechercher le dialogue, au désaccord entre les hommes et les femmes qui sont actifs dans ce pays. La violence est toujours la plus mauvaise des solutions. Le ministère burundais des Affaires étrangères, à travers l'assistant du ministre ambassadeur Bernard Nairaja, trouve que le Burundi a été touché par cette guerre et est du même avis avec l'ambassadeur français au Burundi que les conflits se règlent pacifiquement. Il est convaincu que la Deuxième Guerre mondiale est survenue car les racines de la Première Guerre n'avaient pas été coupées. Les pays de l'Afrique orientale allemande, le Burundi inclus, ont joué aussi un rôle actif dans cette guerre. Le vestige le plus parlant sur le territoire du Burundi de cette participation est le cimetière des Allemands dans la province de Cibitoke. Il n'y a aucun intérêt à ressasser le passé pour nourrir les mauvaises idées et les rancœurs qui ne mènent nulle part, mais plutôt le passé devrait nous servir de leçon pour savoir comment gérer pacifiquement les conflits qui surgissent dans les différentes régions du monde. L'historien professeur Jean-Marie Ndouayo indique que les Burundais ont été victimes de cette guerre dans leur participation. La Belgique a organisé une occupation militaire du Burundi jusqu'en 1919 au moment de la signature du traité de Kiganda. Et la première conséquence est que d'abord le Burundi a changé de maître. Les Belges, les Allemands partent, les Belges arrivent. Et la deuxième conséquence est que le Burundi va changer de statut. On a mobilisé, les Allemands qui étaient présents ont mobilisé une force militaire burundaise des combattants burundais. Il y a même un des chefs, un certain Pierre Baranyanka, qui accompagnait les Allemands jusqu'à Tabora. Jusqu'au moment où ils ont constaté, ils ont reconnu la défaite, il est revenu, il s'est mis au service de la Belgique, de la colonisation belge, et les Belges l'ont propulsé comme grand chef du Nord du Burundi. La Première Guerre mondiale a enregistré une perte de vies humaines, plus de 30 millions. Merci Richard. Kouvgarugira, page sécurité. Le gouverneur de la province Cibitoke fait savoir que parmi les sources d'insécurité figurent les accusations de sorcellerie. Il indique que les raisons sont souvent des différends qui entraînent la volonté d'éliminer son rival. Joseph Itélité Karadi, dans une réunion de sécurité tenue ce jeudi, selon lui, ces soupçons s'observent souvent vers la fin de l'année. Mais que la sécurité est généralement bonne dans cette province, je propose de l'écouter. Nous avons constaté que d'une façon générale, la situation sécuritaire est bonne et dans notre province de Cibitoke, mais il y a des cas isolés qui pourraient être à la base de la perturbation de cette situation sécuritaire. Là, je pourrais citer certains cas qui ont été même évoqués. Ce sont des camps de vol. Il y a aussi même des tracts ou des gens qui s'accusent de sorcellerie. Et on a déjà constaté qu'il y a la vente même des poissons prohibés. Ce sont des cas qui ont été déjà constatés qui pourrait être à la base aussi de la perturbation de la paix dans notre province. Cas de sorcellerie a été évoqué, c'est lié toujours à cet acte qu'on trouve ici et là. Il a été aussi une occasion, évidemment, de donner beaucoup de conseils, surtout vers la fin de l'année, où si nous approchons des élections, c'est un phénomène souvent observé, où déjà s'acquise encore des sorcelleries, mais c'est un phénomène nous tous, nous devons conjuguer les efforts pour lutter contre ce phénomène. On a trouvé que c'est un phénomène souvent qui est lié encore au problème foncier, où les gens trouvent des arguments pour accuser les autres avec des raisons peut-être non fondées. Joseph Iteriteka, il est gouverneur de la province de Cibitoke, c'est à l'ouest du Burundi. Après une courte pause, on va passer en page économie. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h05, page économie de cette édition, vouloir financer le secteur agricole à des taux de crédit préférentiels est une bonne initiative de la part de la Banque de la République du Burundi. Mais pour le professeur d'économie à l'Université du Burundi, Leonidas Ndayizeye, il faut aussi développer l'industrie agroalimentaire et initier des réformes agraires pour avoir plus de terres cultivables. Suivez-le, il est au micro de notre confrère Pacifique Chubahiro. L'intention est très bonne, mais elle n'est pas suffisante. Le secteur agricole souffre de plusieurs défis qu'il faut d'abord relever. Il faut des mesures, je ne sais pas si c'est des mesures d'accompagnement ou si ce sont ces mesures qui commenceraient, à réformer d'abord le secteur en amenant des réformes profondes, des réformes agraires. Vous savez, aujourd'hui, l'habitat au Burundi, c'est un habitat dispersé. Et l'espace agricole dépend de cette structure. Nous avons de petits champs, de rien du tout, qui ne sont pas exploitables économiquement. C'est juste pour faire une agriculture de subsistance. Quelqu'un qui aimerait investir dans ce domaine doit pouvoir bénéficier de l'espace assez vaste pour pouvoir y investir. Le grand problème des économies africaines et de l'économie burundaise, c'est le problème de transformation. Vous avez connu des périodes où on a eu de très bonnes récoltes et automatiquement on a appelé ces récoltes des problèmes parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Les prix chutent et l'agriculteur ne gagne rien. Alors, il faut une certaine connexion, c'est vraiment fondamental, il faut une connexion entre le secteur agricole et le secteur industriel. Un secteur agricole moderne qu'on doit connecter absolument avec un secteur industriel moderne, la transformation. De l'économie à l'agriculture, les caféiculteurs de la province Gaudi sont appelés à répondre massivement à la campagne de pulvérisation des plantations caféicoles qui a commencé le 5 de ce mois. Le coordinateur technique au sein de la fédération Horirangukide de ces caféiculteurs de Gaudi indique que cette campagne durera 3 semaines. Lambert Nunzubumwe précise qu'une plantation non pulvérisée enregistre une perte estimée à 45%. De Gaudi, nous appelons notre confrère Apollinaire Mutsakara. Comme l'indique cet ingénieur agronome Lambert Nunzubumwe, 26 505 158 caféiers sont concernés par cette campagne de lutte contre la punaise du café. Il appelle tous les caféiculteurs à répondre sans exception à cette campagne qui a débuté le 5 de ce mois pour prendre fin le 26 prochain pour le premier passage. Lambert Nunzubumwe leur conseille la reprise de la pulvérisation aussitôt après pour le deuxième passage qui vise la neutralisation des œufs et larves de cette punaise. Le coordinateur technique au sein de la Fédération des caféiculteurs de la province Ngozi parle d'énormes pertes en quantité et qualité chez les caféiculteurs qui font la sourde oreille. La production chute jusqu'à 55% pour une plantation non pulvérisée et a ajouté que cette dernière donne du café de mauvais goût, des goûts de pommes de terre, un goût qui n'attire pas beaucoup d'acheteurs, explique-t-il. Il demande aux caféiculteurs qui n'ont pas encore eu tout le matériel nécessaire pour la réussite de cette campagne, notamment le matériel de protection, le recours à d'autres partenaires proches opérant dans cette filière café d'Ngozi, appelée Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Revenons à Bujumbura pour vous dire que la distribution d'eau par la régie des eaux dans les communes Mukaza et Nahangwa de la mairie de Bujumbura sera perturbée ce samedi 10 novembre dans un communiqué sorti par la direction de l'eau à la régie des eaux. Le directeur de l'eau explique que cette perturbation sera due aux travaux de réhabilitation de la ligne d'eau allant vers la Brahoudi à l'aéroport international de Bujumbura. Prévu ce samedi, Simeon Habonimana demande aux usagers de l'eau de la régie des eaux vivant dans ces communes de prendre des mesures de conservation de l'eau nécessaires durant le moment de ces travaux. Il ajoute que la régie des eaux fera de son mieux pour que ces travaux se terminent le plus rapidement possible. Et en page santé, je vous l'avais dit en titre, la médecine burundaise va bientôt instaurer une nouvelle méthode de chirurgie mini-invasive. Le spécialiste en chirurgie l'a annoncé ce jeudi lors du lancement officiel de cette nouvelle méthode. Dr Sylvain Niyonguru précise que cette dernière présente des avantages par rapport à l'ancienne méthode, notamment passer peu de temps d'hospitalisation suivie. Cette chirurgie mini-invasive, notamment pour la chirurgie de l'abdomen, ça ne nécessite pas d'ouvrir l'abdomen. C'est une chirurgie vidéo-assistée. C'est-à-dire qu'on fait tous les gestes qu'on pouvait faire quand on ouvre l'abdomen, mais sans ouvrir l'abdomen. À partir de 3 ou 4 petits orifices par lesquels on fait passer du petit matériel et on fait exactement le même geste qu'on faisait quand on ouvrait. Alors, quand on ouvre, ça prend du temps d'ouvrir et ça prend du temps de fermeture. Par la chirurgie mini-invasive, il y a des gestes qui font traîner l'opération qu'on fait directement par des instruments. Autrement dit, ça limite énormément le temps opératoire. Et si ça limite le temps opératoire, c'est que ça limite la quantité d'anesthésie que consomme le patient. Et puis ça limite le risque d'infection. Et s'il y a de petites ouvertures, ça limite les portes d'entrée des infections. Et en plus de cela, s'il y a de petites ouvertures, ça permet au patient ou à la patiente de ne pas avoir trop mal après l'opération. Et si le patient ou la patiente n'a pas mal après l'opération, il sort directement de l'hôpital le lendemain. Vous savez que si on était opéré de calcul de la lithiase vésicule biliaire, on restait en hospitalisation 4, 5, 6 jours, voire plus, selon les complications. Et allons à Cal aussi pour parler de commerce. Les commerçants du marché du chef-lieu de la commune Wugenyudi s'indignent qu'ils sont déménagés à très maintes reprises. Ils disent que 2 jours ne peuvent pas passer sans que ce marché ne soit démoli pour être construit d'une manière moderne. L'administrateur de cette commune fait savoir qu'un marché moderne sera prochainement construit. Spécieuse Gakechuru indique que ce marché sera construit avec l'aide de la Banque mondiale. Blaise Pascal Kararumi. Les commerçants du chef-lieu de la commune Bouguenyouzi, province Karoussi, ont déplacé tous leurs biens et matériels le 20 novembre et détruisant tous les kiosques et stands y érigés, tout en laissant complètement balayer son marché. Ce qui fait la deuxième fois qu'ils quittent son marché, toujours en vue de le libérer afin qu'il soit construit d'une façon moderne, indiquent ces commerçants. Ils signalent qu'ils ont même donné leur contribution, de même que les autres habitants capables, des contributions qui ont été collectées par les responsables de cette commune les années d'avant 2010. Il faut savoir que plusieurs parmi eux sont tombés en faillite suite à ces déménagements successifs et aux incendies de son marché, car il a connu deux incendies successifs. Certains de ces commerçants ont manqué ou continué leurs activités et d'autres se sont déplacés vers d'autres communes. L'administration communale est tranquillise que le marché de construction de son marché est déjà conclu sur le financement de la Banque mondiale. Précieuse Gakechuru demande à l'entreprise de construction ayant gagné son marché de venir débuter ces travaux, signalant qu'ils avaient la date du 15 novembre pour débuter les activités. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Certains ravins qui traversent différents quartiers de la ville de Bujumbura sont menacés d'effondrement répétitif. L'environnementaliste Albert Mbonerané donne l'exemple du ravin qui sépare le quartier Kigobe et Ngagara, quartier 6, dont l'effondrement est dû à l'érosion. Selon lui, ces ravins devraient être protégés de l'amont à l'aval. La chronique Environnement de ce vendredi a été préparée et présentée par Christelle Anitikama. Ces ravins qui sont menacés par l'effondrement se trouvent surtout dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura. L'environnementaliste Albert Mbonerané dit que ces ravins continuent à s'élargir, surtout pendant la saison pluvieuse. Si nous montons du côté de Kiriri, vous voyez aujourd'hui où se trouve le quartier qu'on appelle Sororezo, ou bien si nous allons du côté de Gihosha, ou bien même du côté de Kamenge et Mutanga Sud, là on trouve beaucoup de ravins. Il y a des ravins qui datent de plusieurs années. Pendant la saison pluvieuse, surtout c'est là où on constate qu'il y a des changements. Si nous prenons par exemple le quartier de Kigobe, tout le monde voit où se situe l'hôpital Roi Khaled. Il y a un grand caniveau qui draine les eaux qui viennent de l'amont de l'hôpital et puis ça continue le long de cette route qui monte sur qu'on appelle la gare du Nord. Et puis après, il y a un caniveau qu'on a aménagé avant d'arriver à la PAF. Et là, on voit qu'il y a un grand élargissement de ce ravin. Parmi les causes de l'effondrement de ces ravins, il y a surtout l'érosion, mais aussi l'action humaine. Les causes de l'effondrement de ces ravins, d'abord, c'est l'action humaine. Et je dis d'abord, il faut parler de l'érosion qu'on observe en amont de la ville de Bujumbura. Et puis après, les gens qui continuent à construire, parce que quand il y a un ravin, il faut se poser des questions. Pourquoi? Quelle est la nature de ce sol? Si on continue à construire, à s'approcher du ravin, c'est-à-dire qu'on est en train d'affaiblir le sol et demain c'est comme si c'était une berge d'une rivière, ça va s'effondrer et quand ça s'effondre, ça part avec quelque chose. Donc ce sont des menaces contre les habitats, les constructions. Lorsque les berges du ravin s'effondrent, les maisons aux alentours sont menacées, précise Albert Mbonerané. Les conséquences de ces effondrements, c'est que si j'ai une maison au bord du ravin et que la berge du ravin s'effondre, mon habitation est en danger. Et aussi, et avec tout ce que ça va prendre quand il pleut. Donc ça va faire des effets de sédimentation au niveau du lac. Selon l'article 4 du Code de l'environnement, la protection de l'environnement incombe à tout Burundais, mais l'administration devrait se lever face à cette situation. Il faudrait que chacun arrive à se poser la question, si j'habite au bord d'une rivière quelconque, si j'habite au niveau d'un ravin qui s'est créé comme ça, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire comme contribution? Mais il y a un réveil de conscience. Le tout, c'est nos dirigeants. Alors si l'administrateur de Mukaza ou bien l'administrateur de Tahangwa se levait pour dire la question de l'environnement, c'est une priorité dans tout ce que nous devons faire. Demain, il va mobiliser la population sur tous les rivières de ces ravins. Là, on peut organiser des travaux communautaires, etc. Tout savoir comment consolider les bords de ces ravins. Et puis, s'il faut planter des arbres, etc. pour que le sol soit plus ou moins protégé. Là, ça incombe à tout le monde. Selon l'environnementaliste Albert Mbonerané, il faut calculer en termes d'investissement car les dépenses sont nombreuses quant à la réhabilitation d'un pont ou d'une rue alors que la prévention de ces ravins coûterait moins cher. Merci Christelle Anidigama, je dis également merci à vous tous qui avez suivi cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci, on s'adresse également à Séraphine Akidimana pour la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de la radio Isanganiro. Eli Nibel Nibigira, je vous ai présenté cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.